Mon sauveur m'aime, qu'est faire ma pluie pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surage.